Le 11 coréen s'est classé premier aux éliminatoires par groupe de la Coupe mondiale féminine de moins de 20 ans 2016 de la FIFA, ouverte le 13 novembre en Nouvelle-Guinée, pour se qualifier pour l'étape suivante. Au groupe A, les joueuses coréennes ont battu les Suédoises par le score de 2-0, les Brésiliennes par le score de 4-2 et les Papous par le score de 7-1. Elles se disputeront le 24 les quarts de finale avec les Espagnols du groupe B.